Les assaillants se libèrent alors de leurs branches et se montent tels qu'ils sont devant les murs du château. Le jeune Siward vient provoquer Macbeth, mais Macbeth le tue. Fanfare d'alarme. Macduff entre. Le bruit de ce côté. Tyran, montre ta face. Si tu n'es pas tué de ma main, les ombres de ma femme et de mes enfants me hanteront toujours. C'est toi, Macbeth, qu'il me faut. Sinon, je rentrerai au fourreau sans en avoir essuyé la lame, mon épée inactive. Tu dois être par là. Ce grand cliquetis semble annoncer un combattant du plus grand éclat. Fais-le-moi trouver, fortune, et je ne demande plus rien. Entre Macbeth. Tourne-toi, limier d'enfer, tourne-toi. De tous les hommes, je n'ai évité que toi seul. Mais retire-toi, mon âme est déjà trop chargée du sang des tiens. Je n'ai pas de parole, ma voix est dans mon épée, scélérée ensanglantée de forfaits sans nom. Ils se battent. Tu perds ta peine. Tu pourrais aussi aisément balafrer de ton épée l'air impalpable que me faire saigner. Que ta lame tombe sur des cimiers vulnérables. J'ai une vie enchantée qui ne peut pas céder à un être né d'une femme. N'espère plus dans ce charme que l'ange que tu as toujours servi t'apprenne que Macduff a été arraché du ventre de sa mère avant terme. Maudite soit la langue qui me dit cela, car elle vient d'abattre en moi le meilleur de l'homme. Qu'on ne croit plus désormais ces démons jongleurs qui équivoquent avec nous par des mots à double sens, qui tiennent leurs promesses pour notre oreille et la violent pour notre espérance. Je ne me battrai pas avec toi. Alors, rends-toi, lâche, et vis pour être le spectacle et l'étonnement du siècle. Nous mettrons ton portrait comme celui de nos monstres rares sur un poteau et nous écrirons dessous. Ici, on peut voir le tyran. Je ne me rendrai pas. Pour baiser la terre devant les pas du jeune Malcolm ou pour être harcelé par les malédictions de la canaille. Bien que la forêt de Birnem soit venue à Dunsinane et que tu sois mon adversaire, toi qui n'es pas né d'une femme, je tenterai la dernière épreuve. J'étends devant mon corps mon belliqueux bouclier. Frappe, Macduff, et damné soit celui qui le premier cria « Arrête, arrête !» Ils sortent en se battant.